Ripire. E se che vanno di quanto si può aggiungo il nuovo il più prezzo di buono la collezione e se c'è d'anno abbandono le mie preghiere fare in saggio nell'idea tu sei contro le pide amiche mi ricordano non fai no gesti après une dose d'analgésique, tu es seul et mis en échec. Magnifique. De son venin anesthésique, il aliénise notre musique. La vertébrée charismatique est un gourou des plus sacrés. Il se faufile dans les égouts, on n'a que faire de tous les goûts. Sur son passage, les immondices, les brutus de la malice. L'anaconda a pris le pouvoir, l'anaconda nous vampirise. L'anaconda! Et QSM sans le savoir est tombé sous son emprise. Charismatique. De la malice sur ce chemin de Villarra ne sont pas moins de beaux repas. Sans lui on se passerait de Prozac. Sans lui on ne serrerait pas les dents. L'anaconda, il nous a fait échec et mat. C'est la grande victoire du serpent. C'est la grande victoire du serpent. La grande victoire du reptile. Anaconda victoire rapide et subtile. Cendrier, il remonte la pente sur la tête de la cuvette. QSM le recueille dans son antre. Anaconda impose son être.